17:33, observation, négation, ne plus. 1. Robert ne passe pas ses vacances en Bretagne. 2. Autrefois, Mireille passait ses vacances en Bretagne. Maintenant, elle ne passe plus ses vacances en Bretagne. C'est fini. Robert ne passe pas et elle ne passe plus sont deux expressions négatives. La négation 1 est une négation simple. Elle n'indique pas de changement. Et la négation 2 indique un changement. Autrefois, elle passait ses vacances en Bretagne, et maintenant, elle ne les y passe plus. On dit ça. On ne dit pas ça. On ne dit plus ça. Elle y passe ses vacances. Elle n'y passe pas ses vacances. Elle n'y passe plus ses vacances. Notez que plus occupe la même place que